Marius, des Misérables pour rire, par Avemar. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Marius. Salut, brillant Paris, Janus à double face, ville de fange et d'or, de boue et de clarté. Cœur et cerveau du monde, ici trouve une place en ces modestes vers par ton souffle inspiré. Oui, je t'aime, Paris, j'aime ton quai, tes rues, tes palais, tes maisons, tes boulevards géants, j'aime ta paix, ton bruit, ton peuple, tes revues, ta nuit et ton soleil, et tes pleurs et tes chants. Je te connais bien, va, tes salons, tes tavernes sont pour mon cœur jaloux un excellent trésor. Je sais tes carrefours, leurs ignobles lanternes, et tes places superbes aux girandoles d'or. Suspendons notre lyre au clou, et chantons ton pâle voyou, car le voyou, voyez-vous, vous, j'en suis comme un fou de ce petit loup doux. Domuncio, vieux mot romain et latin, le français né malin, fit gamin, galopin. Sans chercher d'autres rimes, il a des synonymes. L'enfant se levant tard s'appelle aussi moutard, parfois c'est un lézard, quelquefois un musard. N'a-t-il pas d'autres noms? Insectes, moucherons et même mioches sont ses plus communs surnoms. Si vous avez connu Gavroche, petit mioche, il tient au roman par un fil de profil. Il a pour braver la froidure, pour coiffure, de quelque auvergnat un lambeau de chapeau, portant gaiement cette casquette pas coquette. Rarement il a dans ses pieds des souliers. Si dans ses maigres jambes flotte sa culotte, c'est que le tailleur du moutard, c'est Lazare. Il est blagueur, hableur, gouailleur et menteur. Il est fumeur, buveur, noceur et flâneur. C'est la charge du beau chérubin, moins le bain. L'été criant, sur tous les tons des hannetons, il ne connaît qu'un seul pays, c'est Paris. Mais il préfère beaucoup mieux ses banlieues. Près de la Salpêtrière, au quartier de la Glacière, cet endroit n'est pas fort beau, on voit la maison Gorbeau. Dans la triste maisonnette, au fond d'un sombre grenier, habitait Monsieur Jondrette. Gavroche est son héritier. Le bizarre de l'ouvrage, c'est le luxe des surnoms. Ici, chaque personnage possède 5 ou 6 noms. Dans la mansarde voisine demeurait Monsieur Marius. Encore un nom, j'imagine, qui cache quelques rébus. C'était un plumet magnifique que le sire de Pontmercy. Taillé dans le roc athlétique, de ses jours voici le récit. Ce vaillant soldat de la France servit Kléber, Joubert, Mortier. Il fut à Spire, Worms, Mayence, et jamais n'était le dernier. Jour mémorable, au cimetière avec le capitaine Hugo, ils couchèrent dans la poussière les Kaiserlicks au champ d'Eylau. Quand l'Empire fut en déroute, Pontmercy baron, mais en pleurs, de Vernon vint prendre la route. Le brigand cultiva ses fleurs. J'oubliais qu'après la campagne d'Austerlitz ou de Marengo, Pontmercy, battant la campagne, prit une femme comme il faut. C'était la fille d'un bonhomme qu'on appelait Gilles Normand. Aussi franc qu'un fils de la Somme, mais aussi rusé qu'un Normand. Quand il allait dedans la rue, malgré ses 80 printemps, son habit à queue de morue lui donnait des airs tout flambants. Son parrain possédait du vice, il fut baptisé Luc Esprit. N'allez pas chercher de malice dans ces deux prénoms pleins d'esprit. Pontmercy veuf se désespère. Pour cultiver ses grenadiers, laisse son fils à son beau-père qui détestait les vieux troupiers. Mais un beau jour, tout s'explique. À Gillenormand, presque sot, son petit-fils Marius applique sur un roi de France un gros mot. « Toi, baron, mon cher, c'est un conte !» s'écria l'aïeul courroucé. « Je m'en vais te donner ton compte !» Et Marius s'enfuit tout vexé. De l'ABC, la compagnie, non pas celle des omnibus, avait une étrange manie de causer sur tout et bien plus. Elle avait certains sels attiques, des noms grecs, gascons, hongrois. On y parlait fort politique et l'on y servait du veau froid. Ses membres sont l'Aigle, Grantaire, Enjolras, Prouvaire, Fouilly, messieurs Courfeyrac, Combeferre, Bahorel fils et puis Joly. Sans vouloir leur chercher noise, peignons-les non à demi. Sauf l'Aigle, de Seine-et-Oise, ils étaient tous du midi. Enjolras avait beau visage, mais il était républicain. Courfeyrac était bien plus sage. Quoique visionnaire et malin, Prouvaire, moins fanatique, était très fort en hébreu. À toute la métaphysique, il préférait l'oiseau bleu. Fouilly, folle tête en travail, ne pensait qu'à la Roumanie, à la Pologne, à l'Italie, qu'il peignait sur son éventail. Combeferre était moins sensible, et Bahorel un flâneur. Bossuet, le plus accessible, s'appelait l'aigle par erreur. Il était toujours dans la peine et travaillait tout de travers, mais se moquait de sa déveine, riant au nez de ses revers. Joly courtisait Esculape, ses clients défaut lui faisant, le gaillard se purgeait sous cap et n'en était pas mieux portant. Grantaire était le vrai Pylade d'Enjolras qui avait Grantaire. Quand cet Oreste était malade, il allait prendre le Grantaire. Quand Marius fut à la porte, il prit un cabriolet. Il y rencontra, chose forte, son ami l'aigle, Bossuet. C'est par lui qu'il gagna sa vie, en traduisant d'un seul coup une langue assez jolie qu'il ne savait pas du tout. Le Luxembourg est une promenade que connaissent les étudiants. Là, chaque arbre est un camarade pour les amoureux de 20 ans. Dans une allée assez tranquille, un vieillard surnommé Leblanc, tous les jours, ainsi que sa fille, venait s'asseoir au même banc. Devant l'azur pur et céleste qui jaillit de deux jolis yeux, le sage fuit toujours. S'il reste, c'est qu'il est, hélas, amoureux. On sait qu'un regard magnétique est un engrenage certain. Cette batterie électrique vous saisit le cœur et la main. Marius a perdu la tête. Devenant épris tout de bon, chaque jour il s'habille en fête et change de noir pantalon. Mais si nous suivons le volume, Patron Minette nous apparaît. Avec l'encre noire, la plume doit tracer ce sombre portrait. Vite à Gueulemer, faisons place. C'est un colosse de 6 pieds. Puis Babet, un ex-paillasse, aussi dentiste in extremis. Claxou était plus baroque, sombre, masqué, filant, filou. Cet artiste était ventriloque et toujours vivait dans son trou. Qui des quatre était le plus drôle? C'était Montparnasse, un gueux. Gandin, voyou, escarpe et drôle, raie au milieu de ses cheveux. Ces charmants matous sans Minette, ce quatuor de scélérat, avait pour nom Patron Minette. C'est bien le patron des forçats. Le crocodile est un affreux lézard qui vit sur le Nil en Égypte. Comme il imite les pleurs du moutard, vers lui la bonne accourt bien vite. Malheur au cœur compatissant qui veut soulager cet enfant, car le monstre, d'un coup de dent, lui prouve qu'il est imprudent. Eh bien, sur les bords de la Seine, le crocodile a des neveux qui s'en vont larmoyant leur peine à tous les échos généreux. Voulez-vous connaître leur style? En voici l'exemple parfait. Je pourrais vous en citer 1000 taillés sur le même poulet. Aveugle depuis mon enfance et fils d'un vieux militaire qui perdit en servant la France un membre et de plus la lumière, je n'ai pour toute espérance que le secours du genre humain. Ou bien, victime d'une machine, daignez secourir mon malheur. Ou mieux, plaignez un mineur majeur estropié dedans une mine. Si jamais l'enfer vous adresse ce fin style humide d'un pleur, ne faites pas la maladresse d'aller consoler son auteur, car au quartier de la glacière, cela vous glace en y pensant, Jondrette avait sa souricière, mais Marius avait l'œil dedans. Qu'il est beau, jetant la béquille de sa misère qui boitait, écorchant la main de sa fille au carreau fêlé qui restait. Voyez sa moqueuse grimace, le gaillard n'est pas satisfait. Il voudrait qu'il gèle à la glace et tremble de manquer ses frais. Un vieillard généreux entre. Marius caché tremble à son tour. Car qui vient d'entrer dans cet antre, c'est le papa du Luxembourg. « Monsieur Leblanc, que je vous aime !» dit Jondrette de bonne humeur. « Oui, ma joie est vraiment extrême. Vous me faites bien de l'honneur. Je ne puis vous offrir grand-chose, car j'ai vendu mon piano. je veux vous céder quelque chose, ce beau tableau de Waterloo. » Quelle couleur, mais la peinture vaut à peine 3 francs 10 sous. Ça vaut 1000 écus, je vous jure. Vous voulez me monter le coup? Ou te le casser, vieille bête, dit Jondrette, avec mes amis. Ses amis, c'est patron Minette. Papa Leblanc en devient gris. On l'empoigne et puis on le cogne. Malgré le voisin Marius, on pourrait bien narguer la cogne. Mais Javert vous tombe dessus, car Javert est en embuscade. Il présente à chaque brigand un homme de son escouade et la force pour logement. Puis veut offrir une prise à Leblanc, mais il n'est plus temps. Il s'aperçoit de sa méprise. Leblanc s'est enfui. C'est Valjean. Et Thénardier, c'était Jondrette, ex-sauveteur de Pontmercy. Marius, mari de tout ceci, voudrait bien l'être de Cosette. Nous saurons au tome prochain si l'amoureux obtint sa main. Fin de Marius, enregistré par Ezoie en Belgique en août 2010.